Je cite. Or, l'ennui, le long défilé des journées froides et mornes, des heures interminables à attendre rien d'autre qu'une mort horrible et hasardeuse, le bonheur éphémère d'une lettre de femme, tout ça était le quotidien de tous ces types dans les tranchées. Bien plus que l'exaltation des combats, d'ailleurs très rare, ou alors d'autres moments inattendus. Dans ce cas, le rythme devient important. Comment l'avez-vous retranscrit ? C'est important ça à mettre, parce qu'effectivement la guerre que je voulais explorer, c'est pas la guerre héroïque du tout. On se rend compte dès qu'on travaille sur notamment la Première Guerre mondiale, contrairement à la Deuxième qui était quand même une guerre de mouvement, avec beaucoup de batailles, avec effectivement beaucoup d'événements, vraiment au sens propre du terme, la guerre 14 n'a été qu'un long défilé effectivement de ces jours-là. C'est vrai que tout le récit tend aussi, alors non pas ennuyer le lecteur, il ne s'agit pas d'ennuyer le lecteur pour le placer, mais quand même d'essayer de faire sentir cette longueur, ce rien. Voilà, ce rien qui dure mais qui est quand même mortel, qui vous éloigne des gens que vous aimez, et tout ça, pour qui, pourquoi, on le sait plus trop bien au fil des jours. De temps en temps on s'en souvient, de temps en temps il y a une exaltation, et puis à nouveau on retombe là-dedans. Donc c'est vrai que toutes les scènes et le rythme du récit surtout est prévu pour ça. Moi j'aime les rythmes lents, voilà, j'aime pas les histoires qui se succèdent en coup de théâtre, en coup de théâtre. Coupures irlandaises avait un rythme comme ça, mettait 40 pages avant tout d'un coup brusquement de s'accélérer. Notre mère la guerre est comme ça, essaye vraiment de respecter ce rythme-là, fait de, effectivement, de très longues journées, et tout d'un coup de 5 minutes, 10 minutes, une brutalité sauvage, terrible. Voilà. Ouais. Et le tome 2 va montrer vraiment ça, c'est-à-dire que le tome 1 prépare aussi beaucoup le tome 2 qui va arriver. Là, on va vraiment comprendre l'intérêt de ce rythme-là. C'est vraiment de surprendre aussi le lecteur, c'est à un moment donné de lui mettre dans le même engourdissement qu'avaient ses soldats, pour tout d'un coup se rendre compte qu'on est quand même à la guerre. Il n'y a rien de plus terrible quand on lit les transcriptions, les mémoires ou les journaux de poilus, le moment où ils apprennent qu'ils vont attaquer. Et ça, on arrive, certains auteurs l'ont très bien retranscrit quand tout d'un coup ils comprennent que, oui, cette fois c'est pour eux, alors qu'ils étaient gays 5 minutes avant, à la limite la relève allait arriver dans une journée ou autre, et puis finalement ils comprennent que non, le lendemain c'est pour eux. Et ça, voilà, là tout d'un coup être mis, ou alors quand les Allemands attaquent. Il y a aussi des cas où ils rongent leurs freins, ils savent que ça peut leur tomber sur la gueule à un moment ou à un autre, et la tension aidant, ils ont envie que ça commence. C'est terrible de se dire ça, c'est-à-dire que ça fait des heures qu'ils attendent une mort certaine, ou en tout cas possible, très brutale, etc. Et il y a un moment donné où ils se disent mais il faut que ça cesse cette attente, moi je veux y aller, quoi. Et dans tous les récits qu'on a lus, témoignages, récits romancés, ça apparaît, quoi. C'est vraiment une dimension très, très importante dans la psychologie de cette guerre. C'est des jeunes gens à qui on demandait d'attendre avec la mort au ventre constamment. Et ça durait longtemps, ces attentes-là. Donc il fallait bien les occuper aussi d'une manière ou d'une autre. Il fallait tromper la mort, quoi. Et pour nous, il faut le retranscrire. C'est-à-dire, on ne peut pas dire au lecteur par trois mots, voilà, ils sont ennuyés toute la journée, ça fait 3 semaines que ça dure, et puis tout d'un coup, ça y est, ils attaquent. Non, il faut qu'on le fasse ressentir. Il faut installer l'action dedans, pour que ça paraisse dans le langage.